besoin de concertation et puis de travail véritablement en confiance et en concertation, co-construction, si on veut le dire, mais je crois que c'est quand même très très important dans une collectivité où, suite à tous ces moments de concertation, que ce soit avec les habitants et ensuite avec les agents, de s'y retrouver, parce que au final, bien les élus devront décider avec tous ces éléments de concertation qui seront remontés. Je pense que tous ces principes de concertation sont relativement neufs pour les élus. Il y a une quinzaine d'années, on ne faisait pas comme ça. Donc je crois qu'on y gagne tous à user du bénéfice de ces temps d'échange où on peut être amené à voir les choses différemment. Voilà. Donc je pense que c'est pour ces temps de concertation sont indispensables. Donc ça ne m'ennuie pas et je sais plutôt qu'au contraire, si on arrive à faire ce travail jusqu'au bout avec les agents des collectivités, on aura cet appui bien nécessaire qui nous permettra d'aller au bout de nos projets aussi, parce qu'on a vraiment besoin de la compétence des agents qui sont à nos côtés. Parce qu'on sait bien que les élus, on part des fois dans un sens, dans l'autre, et qu'on a besoin de méthodes que les agents ont et pas forcément nous. Alors, ce que j'ai entendu, d'ailleurs, elle le disait presque de manière hilar, dont j'ai oublié le prénom, Claire, je crois. Hein, c'est ce côté un peu ludique, enfin, l'idée de méthode où on ne se prend pas au sérieux, où on est plutôt... c'est ce que j'ai entendu un petit peu dans votre rapport, je ne déforme pas. Hein, et je me disais, quand je suis passée, mais peut-être c'est au moment où je suis passée dans le groupe des élus, c'était un travail quand même assez sérieux. Quoi, hein, c'était, je suis passée au moment où effectivement sortaient les questions de maîtrise d'ouvrage public, de diagnostic, etc. Donc cette idée de se faire plaisir... Voilà, je pense que ça s'oppose pas. Je pense que le fait de vouloir travailler ensemble dans un bon état d'esprit et de façon détendue, ça n'empêche pas d'être sérieux sur le fond des sujets. Et je crois que si tout le monde y met du sien, on peut facilement arriver à travailler dans une très bonne ambiance. Merci. Stéphane, peut-être. Réaction sur les 9 items là, qui sont sortis des 3 groupes, Il y a 2-3 choses que j'ai retenues qui me donnent matière à réagir. J'ai entendu un terme que j'ai apprécié, c'est la première restitution, j'ai entendu parler d'humilité du technicien. J'ai envie de dire qu'effectivement, c'est pour moi une des valeurs cardinales si on veut travailler sur les questions d'urbanisme en milieu rural. Alors, c'est pas que l'humilité des techniciens, pour autant, entendu comme agent de développement. C'est l'humilité des techniciens, mais l'humilité des élus et des experts qui interviennent aux côtés aussi des collectivités. Parce que, pour plusieurs raisons, hein, à mon sens, hein, j'évoquais ce matin la question de la légitimité des habitants en tant qu'usagers, l'espace dans lequel ils vivent, et donc légitime à penser son devenir. Ces habitants, pour certains d'entre eux, sont aujourd'hui, y compris en milieu rural, très profond, très peu dense, sont, pour certains d'entre eux ont fait des études, ont un regard qui est structuré et sont demandeurs, volontaires d'être acteurs du devenir de ces territoires. Donc c'est à un moment donné, il s'agit de laisser cette place ouverte aussi, ça me semble important. Et puis l'humilité au regard de gens aussi qui ne se sentent pas légitimes à parler de ces questions-là parce que voilà, l'histoire fait qu'on leur a souligné que pour X raisons, ils n'ont pas une pensée suffisamment structurée et pour être audible. Donc des gens qui, pendant longtemps, ont été plus en position de passer des relais, au mieux de voter à un moment donné, lorsqu'on les remet en tant qu'acteurs dans ce grand jeu de la réflexion, eh bien, si on le fait de manière sans soin, sans humilité, justement, on n'y aura pas de parole de leur part. Ça, c'est la première chose qui m'a semblé importante. Il y a une deuxième chose qui me semble importante aussi, vous avez réagi là sur ces éléments. Il y a quelque chose qui relève d'une forme d'ambiguïté pour moi dans ce qui se dit là. J'ai entendu parler de concertation, vous avez évoqué la question de la concertation, j'ai entendu parler aussi de coproduction. Pour moi, c'est absolument pas la même chose. Aujourd'hui, on est dans des logiques, et ça dépasse les questions du urbanisme rural, on est souvent dans des logiques de concertation, elle est même encadrée d'un point de vue réglementaire aujourd'hui. On est beaucoup moins dans des logiques de coproduction. Parce que la coproduction, à un moment donné, elle oblige à revoir les places de chacun, y compris les places de, la place de l'élu. En somme, pour moi, si tant est qu'en tant qu'élu, par exemple, on décide de coproduire un projet d'urbanisme, de coproduire l'avenir d'un territoire, on s'oblige d'une certaine façon à entendre ce qui se dit. Et on ne peut pas se dire simplement c'est moi qui décide parce que je suis élu. Je vais vous donner un petit exemple, un vécu. Lors d'une réunion de lancement d'une réflexion justement d'urbanisme participatif dans une commune, nous avons présenté la démarche de travail que nous voulions mettre en place. Nous avions insisté sur la question de la participation. Fin de la réunion, une main se lève, une élue en question me dit « Mais rassurez-moi, c'est bien les élus qui décident. » Ouais. On est bien dans cette évolution de la prise de décision, à mon sens, lorsqu'on parle d'urbanisme participatif. Et l'urbanisme rural, tel que je le conçois, est un urbanisme participatif. Mais il oblige à revoir la place de chacun, y compris l'élu. Ça, c'était la deuxième chose. Il y avait aussi une évocation de la mairie. Je vais juste faire un petit... En passant dans les ateliers ce matin, un élu disait à propos d'une démarche qu'ils avaient fait d'urbanisme sur un écoquartier, disait, mais en fait, on a fait une erreur sur la concertation, c'est qu'on a fait la concertation réglementaire. Et en fait, finalement, on n'a pas entraîné les gens avec nous. Et donc maintenant, on fait un pas de côté et on fait, voilà. C'était juste pour illustrer un peu votre propos, c'est que la concertation dite réglementaire, parfois, ça masse pas mousse, quoi. Pierre qui roule la masse pas mousse. Mais vous évoquez le troisième point que je voulais soulever, et ça a été dit effectivement dans un des propos, c'est la nécessité pour faire ça de s'appuyer sur des experts qui sont capables de faire des pas de côté. Ça invite aussi chacun à revoir son métier. Si moi j'arrive avec ma casquette d'urbaniste en disant ben voilà, l'urbanisme c'est ça, c'est sûr que je ne fais pas preuve d'humilité, que je ne réalise pas la coproduction à un moment donné dans le projet. Donc ma place n'est plus celle de l'urbaniste ou de l'architecte, qui sais-je, elle est celle d'un animateur qui a un savoir-faire technique, certes, mais qui, quelque part, décentre son métier, fait ce pas de côté. La dernière chose que je voulais dire, qui me paraît intéressante de ce qui a été évoqué, et qui est à mon sens particulièrement vrai en milieu rural, vu les spécificités de l'urbanisme rural, c'est la question de la maîtrise d'ouvrage public. Alors je ne sais pas si c'est le cas sur votre territoire, mais moi, le territoire sur lequel je travaille, c'est un territoire qui, dans une très large mesure, a été déserté par les opérateurs, y compris les opérateurs publics, les bailleurs sociaux ne viennent plus. On n'est plus sur des projets qui ont une masse critique suffisante, ça devient anti-économique pour eux, sont aujourd'hui des gros opérateurs, de venir faire du sur-mesure. Et donc, à un moment donné, la maîtrise d'ouvrage public, la question du portage foncier qui a été évoquée, par exemple, ce sont des questions clés. Et les projets qui sortent aujourd'hui, pour ce que je vois, en tout cas, je pense par exemple à l'écoquartier de Foulard-Montagne, qui est un peu connu, il est sorti pour une et simple raison à la base, c'est parce qu'il y a eu un portage public, un portage communal. Ça a été quatre projets qui ont été explicités dans les ateliers. C'est un peu l'intention en même temps, quand vous écrivez votre site et que vous êtes en même temps promoteur immobilier, c'est promoteur immobilier un peu particulier, c'est pas un promoteur complètement privé, c'est quelque chose de parapublic. Merci. Mireille, savoir organiser la concertation et la faire effectivement que quand elle est utile et auprès des personnes qui peuvent nous apporter les ressources, ça je crois qu'avec l'aide des techniciens, on peut tout à fait l'organiser. Pour prendre un exemple, deux exemples très précis, donc pour par exemple imaginer le classement ENS, donc c'est toujours de l'urbanisme, hein, un espace naturel sensible dans une commune, on a fait des réunions très spécifiques avec tous les propriétaires concernés par ce projet-là. Et on a pu mettre en place un comité de pilotage pour avancer et fixer des règles, comme vous le disiez, des règles très très fermes d'écoute et une méthode pour pouvoir retenir leurs avis. De la même manière, de façon un petit peu plus brutale, on a fait un petit peu le même style de concertation par rapport à un problème de chute de rochers dans les communes qui nous obligeait à intervenir sur plus d'une centaine de mètres sur du domaine privé. Donc là aussi, on sait, je crois qu'il est toujours possible, et les agents sont bien là, ou nos secrétaires de mairie sont bien là pour nous conseiller, nous aider à mettre en place la concertation qui est la plus appropriée. Alors, je pensais à un moment où je suis passée, vous témoigniez effectivement sur cette chute de rocher qui vous a obligé à déclasser, c'est ça, à déclasser plus de 100 hectares. Globalement, dans ma commune, il y a eu un plan de protection des risques. Et donc, il a fallu déclasser. Ma commune est toute petite, il faut le mesurer, elle fait 375 hectares. Et il a fallu enlever 180 hectares dans la construction. Donc, ça n'a pas été. Il y avait beaucoup qui étaient mis à la construction avant, il faut dire. Oui, c'est ça. Tout était à la construction. Et donc là, on peut concerter, c'est ça. C'est la limite de... Non, mais ça, finalement. Je vais dire, c'est que la chute du rocher a quand même bien arrangé les choses. Merci le rocher. D'ailleurs, vous voyez que nous sommes la municipalité. Vous voyez que nous sommes les méthodes de conservation. De Voilà. Alors, vous êtes à part, voilà. Mais c'est vrai que bravo de mettre quand même les gens autour de la table sur des choses comme ça qui sont pour le moins pas très populaires auprès des propriétaires. Ça change complètement la valeur. J'entendais parler de l'héritage. Vous héritez d'un terrain constructif de telle valeur et 10 ans après, il perd les 3/4 de sa valeur. Voilà. Un ou deux items, des derniers items qui sont sortis sur lesquels vous voudriez ou quelque chose qui ne s'est pas sorti sur lequel vous avez envie d'insister, Stéphane. Non, il y a un élément qui a été évoqué là sur la question du donnant-donnant que j'ai retenu aussi et qui au fond rejoint, c'est un terme qu'on n'a pas encore employé aujourd'hui, mais rejoint à mon avis une des façons que l'on a de travailler qui me semble opportune du point de vue du montage de projets qui soient collectifs. C'est la question de l'éducation populaire finalement. Pour moi, construire des projets avec des habitants, construire des projets d'urbanisme avec des habitants, c'est-à-dire se poser la question de la manière dont on vit ensemble sur un territoire, c'est précisément faire œuvre d'éducation populaire et ça suppose qu'à un moment donné, on soit capable effectivement d'être dans le donnant-donnant par rapport à aux personnes qu'on mobilise, aux habitants qu'on mobilise. Donc ça c'était une chose que je voulais pointer. Il y a la question du financement, mais je ne l'entends peut-être pas, enfin je vais peut-être l'élargir par rapport à la manière dont vous l'avez posé. Et je la relis avec la question de la maîtrise d'ouvrage public. Là encore, je le dis prêt, je le circonscris au territoire sur lequel je me trouve, et je ne sais pas si c'est le cas sur vos territoires, mais sur les communes rurales du plateau de Millevaches, aujourd'hui, la capacité de financement public, c'est vraiment plus grand-chose. Donc la maîtrise d'ouvrage public, ça peut être une solution. Ça n'est pas, pour le coup, la seule solution. Et vous me posez la question de la création de la CIC. Si on a créé la CIC, c'est aussi, sur son volet habitat, opérateur immobilier, c'est aussi parce que les collectivités locales, qui avaient jusqu'à présent, via des dotations de l'État, la capacité d'aller intervenir sur le logement, ne le pouvaient plus. Et on s'est dit, peut-être qu'en créant une structure nouvelle, qui, sous forme d'entreprise, a peut-être d'autres, peut aller chercher d'autres financements, ce que l'on a fait. De fait, on a construit des outils avec d'autres, un fonds de dotation, des micro-fondations locales. On a, sur un projet, là, tout récemment, en s'appuyant et en travaillant avec une association, réussi à faire du financement participatif, ce qu'on appelle, des termes anglais, le crowdfunding. On a levé 120 000 euros auprès des habitants du territoire pour faire l'acquisition d'un bâtiment qui va abriter à la fois du logement, des activités commerciales, du séchage des ponts, de la transformation, etc. Donc la question du financement, elle est déterminante. Et la maîtrise d'ouvrage public ne me semble plus être la seule et unique réponse. Souvent, c'est trop limité. Ça peut être mixte, hein, en plus, ouais. Tout simplement par rapport au principe d'échange que vous proposez par rapport à l'agriculture, il existe déjà, vous le savez tous, un principe dans la loi par rapport aux zones humides. Quand on abîme une zone humide, on la remplace par le double, donc c'est peut-être aussi une piste de réflexion. Merci. Merci. Alors, je prends le risque de voir si dans la salle, il y a une ou deux personnes qui seraient vraiment frustrées si elles ne prenaient pas... Voilà. Si vous avez encore une question, une remarque ou deux. Oui. Merci. Je viens de faire un frustré de service. je voudrais partager ma perspective. Alors vous présentez. Cédric Zabo, du maire bureau de France. Je suis étonné de la distorsion entre la nature des débats de ce matin sur la première partie, à quoi sert l'urbanisme rural, et la manière dont ça se traduit en fin de journée. Alors, je pense que ce n'est pas que parce qu'il y en a un débat qui a eu lieu le matin et l'autre l'après-midi. Donc, j'interrogerai plutôt les intervenants sur ce contraste. Là, vous évoquez enfin une question essentielle, la question du financement. Il y a en filigrane la question de l'ingénierie qui est carencée en milieu rural, même si vous êtes tous autant que vous êtes des techniciens talentueux, vous êtes beaucoup moins nombreux qu'à la ville pour faire les mêmes enjeux. Et par rapport au questionnement qui était évoqué tout à l'heure en début de journée sur l'égalité des territoires, sur la féodation ou pas, la question de la relation entre l'urbain et le rural, je m'attendais au sortir, a fortiori, de 6 groupes de travail, j'étais dans le groupe des élus par vocation, j'ai un peu vu ça, mais dans les autres, j'ai plutôt l'impression que c'est la technique et la méthodologie qu'on pourrait tout à fait appliquer à d'autres univers, à l'économie, au tourisme, à la culture. Et donc, je ne vois pas trop le lien. Comment est-ce que les acteurs locaux, à un moment donné, on parle vraiment du sujet, quoi. Si je le prends en apport, vous insistez sur l'enjeu de l'ingénierie dont les territoires ruraux sont sous-dotés pour s'intéresser, pour pouvoir prendre en charge l'urbanisme. Hein, et puis la question du financement, pareil, ou par rapport aux espaces à traiter, etc., etc. Le financement n'est pas facile à trouver. Oui, mais concrètement, est-ce qu'on densifie, est-ce qu'on continue, c'est ces sujets-là qui sont quand même essentiels. Alors ça tombe bien parce que Pierre-Antoine Landel souhaitait faire un propos qui va introduire Osons les scopes ruraux. Donc il peut y avoir des petits bouts de réponse, mais ça va être en 3 minutes. Hein, donc ça... Vous serez encore frustré, j'en suis désolée, mais merci de votre intervention qui permet de pointer aussi la réalité hein, du quotidien des élus. Pierre-Antoine ? Ben, je vais prendre la parole pour... Vous avez déjà un regard sur ce travail qui semble important de la journée. Le premier, c'est le risque qui a été pris par les organisateurs, et je les en remercie, de rapprocher aménagement et développement, parce qu'il y en a peu qui font ça. Et sans vouloir remonter toute l'histoire, moi, il y a une date qui me paraît extrêmement intéressante à analyser. C'est ce qui s'est passé en 2000 avec la coexistence de deux très grandes lois. La loi Chevènement, qui a créé les SCOT et puis les PLU. Ça, c'est pas Chevènement. Hein ? C'est la version de la loi SRU. Pardon. Et l'autre, c'est la loi Voynet, hein, qui a donné naissance au pays, avec comme espace de développement et de projet de territoire. Et on a vu les deux se développer en parallèle, voire dans certains cas en divergence, puisqu'on trouve souvent des périmètres divergents entre les pays et les SCOT, ce qui pour moi est le comble de la complexité. C'est-à-dire que non seulement les élus se plaignent de la complexité, mais en plus ils en font. Ils en font par eux-mêmes, et ça c'est un exemple vraiment problématique de la disjonction entre aménagement et développement. Alors là, on a une espèce de nouvelle convergence qui est assez intéressante à analyser. Les pays sont morts, il y a un peu plus de ça, mais j'aime bien le raconter. Ils sont morts le 10 décembre 2010 par un débat qui a duré, paraît-il, moins de 3 minutes à l'Assemblée nationale. Personne ne s'est opposé à la suppression des pays. Hein, personne n'a rien dit, tout ça, 3 minutes, séance tenante, tout ça. Et les pays sont morts, ils ont été supprimés, et la loi MATPAM, la loi d'affirmation des métropoles, on voit réapparaître les pays sous une forme que d'aucuns n'ont pas vue, mais bon, ça s'appelle les pôles d'équilibre territoriaux ruraux, qui ont pour vocation à être des syndicats mixtes, qui, en filigrane, sont exactement les futures structures porteuses de SCOT. Et là, on voit, à mon avis, une chance de réconcilier aménagement et développement par une meilleure articulation des procédures, et d'avoir peut-être une solution à cette question d'ingénierie, mais d'une ingénierie mieux pensée qui permet de rapprocher les développeurs et les aménageurs. Je pense que là, il y a quand même une clé qu'il faut travailler qui est extrêmement importante pour les territoires ruraux. La deuxième clé, c'est bien évidemment, toujours celle-là, c'est réinventer la démocratie locale. Je crois qu'on atteint avec ces nouvelles grandes agglomérations, intercommunalités, etc., le comble du pire, hein, où on voit apparaître des projets de territoire dont on dit qu'ils sont concertés, sans aucune concertation, sans rien, ou alors des réunions avec 3 participants, etc., dans lesquelles personne ne dit rien, des projets qui ne sont pas discutés en comité syndical, et on s'aperçoit d'une très forte disjonction entre le pouvoir délibératif et le pouvoir exécutif. De plus en plus, c'est au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire dans le secret que se fait le débat, alors qu'il faut rappeler sans cesse ce que c'est que la démocratie, La démocratie, c'est la loi qui remplace le roi, mais la loi est issue d'un processus délibératif qui est public et contradictoire. Donc il s'agit de retrouver la capacité à délibérer. Délibérer, c'est là la responsabilité de l'élu. L'élu, il a la responsabilité de mettre en place les conditions de la délibération, faire permettre du débat sur des objets qui sont précis, permettre la contradiction, permettre à ceux qui ont des idées, des propositions de formuler, et à la fin, mais à la fin seulement, l'élu, il retrouve un monopole, et à mon avis, ça je le revendique un petit peu comme tel, il a le monopole de la décision. Mais cette décision, elle a une nature un petit peu spéciale, c'est que comme elle était concertée, elle était mise en débat public, elle devient un petit peu bien commun. Même si on n'est pas d'accord, on va accepter la décision parce qu'elle a été prise dans des conditions publiques. Et je crois que dans notre démocratie, on dit toujours que ça c'est fini, parce qu'on ne l'applique pas à des objets simples de tous les jours. On compute tout, mais l'aménagement du territoire, c'est se loger, c'est habiter, c'est travailler, c'est se déplacer, c'est des conditions concrètes. Et si on travaillait dans les assemblées ces questions-là, et là les outils d'urbanisme sont merveilleux pour ça, là on retrouve le sens de la délibération publique, contradictoire, dans laquelle l'élu retrouve la légitimité à mettre en œuvre la démocratie délibérative, donc on ne parle pas de représentative, pas participative, mais délibérative, dans laquelle il organise la délibération et il organise le débat public. Et une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais terminer en rappelant le sens du réseau. Ici on est dans un réseau qui est assez extraordinaire, c'est assez rare en France. Souvent je vais dire une bêtise et tout ça, les réseaux locaux sont présidés par des sénateurs maires, etc., qui ont une forte tendance etc. Ici on est dans un réseau non hiérarchisé, qui s'est formé par une histoire assez récente et qui rassemble des acteurs de toute nature, des élus, des techniciens, des chercheurs, etc. Et c'est un lieu qu'il faut interroger sur son sens. Et à mon avis, le premier sens, c'est capitaliser l'expérience, c'est-à-dire apprendre à poser les problèmes ensemble. Et là, il y a un problème vraiment très très important qui a été posé cet après-midi, c'est le diagnostic. Vous allez voir, les diagnostics des stocks, c'est vraiment terrible. C'est plusieurs centaines de pages, etc. Et dans lesquelles, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut maintenant préférer l'usage à l'exhaustivité. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce que vous avez dit exactement, c'est de faire en sorte que le diagnostic permette de voir ce qui est possible, de relier la situation du territoire avec ses capacités humaines, capacités financières, capacités organisationnelles. Et c'est là aussi le diagnostic, c'est là qu'il sera efficace, c'est-à-dire quand il arrivera à relier une situation de départ avec un objectif à atteindre. Et là, il y a un travail éminemment important à faire sur la question du diagnostic territorial avant le document d'urbanisme. Et le réseau rural peut être un lieu de confrontation, d'expérience, d'échange, etc. Mais le réseau peut être aussi un lieu de discussion de cette question des règles, des normes, etc. Vous avez vu, chacun est tout seul devant cette avalanche de règles et de normes, etc. Et puis on est bien embêté parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est quelque chose de très important, c'est que la première chose qu'on essaie de faire quand on a des règles, c'est pas de les transcender comme j'ai proposé ce matin, c'est de les éviter. Et donc, ça, plutôt que d'être tout seul pour essayer de voir comment on évite, eh bien, on se met ensemble pour voir justement comment on peut transgresser, c'est-à-dire à quelles conditions on peut non pas échapper, mais essayer de trouver des solutions par le haut. Et ça, je crois que le réseau est un lieu extrêmement important pour ça, pour interroger l'expérience, pour essayer de poser des questions qui soient partagées, qui soient problématisées, pour employer un terme un petit peu universitaire, et puis mobiliser la contradiction, mobiliser l'échange pour essayer d'arriver à un résultat. Et ce résultat, quelquefois, il sera formalisé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on le rend public. Et vous avez vu, sur les banques, à l'entrée, il y a un certain nombre de documents qui viennent de Cap Rural et qui sont tout à fait intéressants, etc., et qui font la transposition de cette capitalisation d'expérience. Et donc, il s'avère qu'avec quelques collègues, on a eu l'idée de s'interroger sur l'urbanisme rural et de dire que quand on aborde la question, on a peu de documents. Alors, il existe, c'est vrai, un ouvrage qui s'appelle L'urbanisme rural, qui est paru il y a 20 ans. Mais pour nous, c'était l'occasion de proposer, peut-être d'essayer de reprendre la question Et est-ce qu'on a proposé à Anne Carton, qui est responsable du Cap-Rural, avec Ruby Lefur, qui est là, qui est un collègue à moi, qui est professeur associé à l'université, mais qui est aussi consultant, et puis un urbaniste, dont c'est le métier, quoi, qui est urbaniste, d'essayer de rédiger un ouvrage qui présenterait un petit peu, qui serait plutôt axé sur le squat. Hein, et même le titre, ça serait « Osons le squat rural », parce que c'est souvent un document qui est pris, comme je l'ai dit ce matin, comme étant une couche réglementaire en plus, alors qu'il peut être pour nous l'opportunité de quelque chose. Donc l'idée de définir ce que c'est, pourquoi, et comment ça se fait, où, comment. Après la deuxième question, quels sont les enjeux d'un squat rural, et l'enjeu, il faut le prendre au sens propre, hein, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre en mettant en œuvre un squat, c'est-à-dire une procédure de planification territoriale sur une grande échelle. Et enfin, quelques clés, quelques réflexions sur les différentes étapes du SCOT, dont en particulier la question du diagnostic. Parce que moi, l'hypothèse sur laquelle je suis, c'est que au bout de ces centaines de pages, auxquelles malheureusement on ne peut pas échapper, mais il faut arriver à trouver une question. Une question qui est partagée par l'ensemble des acteurs du territoire. C'est ce jour-là que le document est gagné. Si on n'a pas cette question, à quelle question le document ou le projet va répondre, ça ne marche pas. Et je pense que ça, il faut arriver à le questionner, voir un petit peu si c'est possible, d'avoir des expériences là-dessus, sur le diagnostic et la question posée par rapport au territoire. Mais il y a aussi la question de la prospective territoriale, qui est un grand moment, c'est toujours un moment merveilleux, alors d'aucuns en font un moment de rêve, etc. Et notre ambition, c'est de dire que non, il faut que cette prospective soit reliée à la réalité, aux spécificités du territoire, qu'elle soit ancrée. Et donc maintenant, vous avez une des grandes prospectives nationales, particulièrement sur le monde rural, qui existe. Et notre ambition, c'est de dire qu'il faut les relier avec ce que vous vivez. Et ça, là aussi, il faut échanger. Et enfin, il y a le chemin, hein, ce qu'on appelle dans le jargon urbanistique le DOO, hein, qui comporte des chemins, des propositions. Et là, on pense que là aussi, il y a matière à réfléchir. On n'a pas la solution, hein, mais il y a matière à se mettre dans des postures de réflexion, en particulier dans des postures qui permettent de relier un petit peu mieux aménagement, façon de vivre, façon de peut-être de s'épanouir, façon de travailler, façon de se déplacer, façon de se rencontrer sur les territoires, et que c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et je pense que les territoires ruraux, ils ont un avantage, on l'a dit ce matin, c'est d'être un petit peu décalé par rapport aux grandes forces, etc., dominantes, etc. On est peut-être un petit peu à l'écart des grands mouvements. Et que là, il y a un chantier intéressant. Alors notre ambition, parce que c'est d'essayer d'avoir un document qui soit évolutif et qui soit un petit peu interactif, donc un document plutôt sur support électronique, dont on proposerait une première mouture en décembre 2015, mis en ligne par le CDRA avec une forme la plus simple possible, c'est-à-dire chapitre sur chapitre, etc., mais avec des titres, des résumés, des mots-clés, et puis ceux qui voudraient aller plus loin iront dans le texte, et puis, si possible, des schémas. Et là, l'idée, c'est de voir si il y a des territoires qui pourraient réagir à partir de ça pour amener des expériences, des témoignages, etc., pour enrichir et pour renvoyer à d'autres. C'est-à-dire que nous, on serait des auteurs éphémères, on serait de passage pour quelques mois. Un livre collaboratif. Et on essaierait de voir comment ça peut enclencher une réflexion sur ces modes de transmission et de capitalisation de l'expérience.